paquet de monde qui me tape sa batterie. Ils pètent les bretelles en comptant leur vie. C'est pas de ma faute si j'ai pas d'amis. Pose pas de questions, je compterai pas de menterie, comme on dit. En bas de mon char, je vais t'emmener direct tout ce qu'il faut. Come on, baby, away! Voir que t'es en vie, c'est pas de ma faute si j'ai pas d'amis. Tu peux sortir, mais à mon avis, t'es mieux dans mon char. Je vais te mettre la radio, come on baby away. Le petit en avant, le passé est en arrière. Si tu veux le présent, regarde-toi dans le miroir. Regarde le ciel, c'est du beau, fais les voir. Les nuages des oiseaux, l'univers. Toaster, sa gravelle. Check en arrière la poussière d'étoiles. C'est pas de ma faute si j'ai pas d'amis. C'est moi le messie pis j'suis toujours en vie. C'est mon char. Assise à ma droite, come on baby away. Y'a rien que j'fais pour le paradis. Une sale gueule. J'ai fini d'avoir une sale gueule quand les rockers anglais sont arrivés et qu'ils faisaient des pochettes Destroy. Quand les Stones sont arrivés, ou autres Lascar, ricains ou anglais, j'avais ma gueule. J'avais plus une sale gueule, j'avais une gueule. Ce qui était un avantage. Puis bon. Une gueule ravagée, mais bien ravagée, bien dans le sens propre du terme. Ravagée par les abus et par la vie. Au 2 juin 2017, oh, nous vous revenons. Oh, la fête est bien finie. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Un partigiano, portami via, oh bella ciao, partigiano, portami via, che mi sento rimorire. Sei un muro, partigiano, oh bella ciao, e sei un muro, la partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Oh. sera. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà: oh, che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano. Et c'est fini, j'ai coupé. 10 minutes avant de m'entendre. C'est bien, c'est bien. Parce que j'ai voulu, je veux. L'ego, là, je l'ai fait sortir avant d'ouvrir le micro, puisque j'ai choisi plusieurs chansons. Puis là, je me demande pourquoi Attendez un petit peu, on m'entend mieux. C'est beaucoup mieux comme ça. OK, on va dire que c'est pas pire. C'est pas pire. C'est pas très bien, mais c'est pas pire. Musicalement parlant, quelques minutes avant d'ouvrir le micro, je me suis dirigé dans ma discothèque. J'ai une méchante discothèque. Elle est pas gentille, elle est méchante. Oh! Elle a jamais été domptée. Elle est donc sauvage. Et c'est ce que je recherche aussi. Dans tout, c'est le côté sauvage. Non dompté, non dressé, non domestiqué. La véritable aventure. Donc, à chaque fois que je vais dans ma discothèque, j'ai des surprises. Je me rappelle plus de certains albums. Ah oui, j'ai ça. Et puis, un peu comme lorsqu'on va à la cueillette des fraises sauvages, on parle de sauvages encore, des fraises, des petites fraises des champs, ou des fraises sauvages. Je pense qu'on appelle ça fraises sauvages ailleurs. Ben, je me retrouve avec des albums, des disques, des souvenirs. Puis, normalement, cette émission-là, cette émission-là a beaucoup d'improvisation, de discours, comme présentement ce que vous entendez. Mais de mes cueillettes dans mon panier à musique, j'ai voulu commencer avec mon ami Jacques Dutronc Casino. Parce que pour moi, un spectacle, une chanson en spectacle, c'est beaucoup plus animé, même si plusieurs d'entre vous trouvez inintéressant les concerts, les albums concerts. Il faut y être. Il faut vivre l'instant. Oui, mais quand tu ne peux pas te trouver à Tombouctou, puis que Marlène Dietrich est à Tombouctou, vas-tu t'acheter un billet pour Tombouctou? Tu vas dire, oui, je sais, tu me dis que Marlène Dietrich est décédée depuis quelques années, oui. Mais on a capté là-bas, ou en Allemagne, tiens, Marlène Dietrich en Allemagne. Je ne pouvais pas y être. Peut-être que je ne la connaissais même pas à l'époque. Mais il reste encore des archives sonores de ce passage. C'est ça le spectacle. C'est du spectacle vivant, maintenant. Puis si on peut prendre le maintenant et le garder en souvenir, le souvenir, bien sûr, c'est pour les vieux nazes. Oh, je me rappelle. Je me rappelle. Arrête de te rappeler, là, puis vis dans le présent, puis essaie de projeter un peu. Surtout dans la création. Mais là, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est que j'ai cueilli pour vous, j'ai cueilli des chansons d'amour. Pas juste d'amour. Surtout pas d'amour. Ou très peu. Donc, Dutronc, je dis, hey, la compapade a des étages, la compapade a trois images, la compapade a des relations étranges, elle se ramène à chaque semaine, elle se ramène la bedaine, elle se ramène à chaque semaine avec des senteurs étranges, des senteurs étranges. Vous pouvez chanter, hein, si une chanson répond. Improviser toujours. C'est quoi la campagne? La compapade a des relations étranges. On était rendu là. Lorsqu'elle marche à reculons, elle n'avance pas, bien entendu. Lorsqu'elle marche à reculons, elle ne marche pas, bien entendu. Elle explore les événements, elle revoit tout le passé et pleure d'un chagrin bien calculé. La compapade. Lorsqu'elle examine le ciel à grands coups d'arc-en-ciel, elle cherche l'OVNI qui pourra l'amener. l'amener vers des sentiers qu'elle n'a jamais commencé à déchiffrer. La compapade, la compapade. Si un jour vous la voyez se trimousser le postérieur, non, le phoque c'était, non, le phoque, le forestier, se trimballer le forestier sans Maxime, vous direz et vous lui chanterez, rentre à la maison, la capapade, la capapade. Ouais. Ça fera pas un grand succès, c'est pas avec ça que je vais finir mes vieux jours, mais c'était quand même Jacques Dutronc avec sa chanson, la compapade. Et l'intérêt de cette musique, de cette mélopée, c'est qu'à l'école, ça remonte à son lycée, lui. Et puis, Fred Fortin, pourquoi pas se dérincer, se nettoyer l'oreille, avec la pièce qui s'appelle « Embarque dans mon char » ou « Embarque dans mon véhicule » ou « Embarque dans ma voiture » ou en tout cas « Embarque, embarque, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. » Embarquement immédiat, comme disait Claude Nougaro, mais lui, c'est « Embarque dans mon char ». Et suite à ça, pour les gens qui ont des références, j'allais dire qui sont référentiels, hey, moi, j'ai fait un accident, mon référentiel n'a jamais été arrangé, moi. Puis on me remarque de loin, puisque ça roule tout croche. On dirait une crevaison, mais c'est le référentiel. Puis eux, je suis content de ça, c'est pour ça que je ne veux jamais le faire réparer. Ils ne penchent pas à droite, ils penchent à gauche. Ça me représente, moi, là. Ça mène un dos de bruit, mais quand j'ai pas la radio parce que je suis trop loin et je n'intonise pas ces KRL, ben cette chanson-là, cette musique-là, ça... j'attends un grand succès là-dessus. J'ai dit, régulièrement, je m'invite des musiciens. On appelle ça des musiciens. Des mélodistes. Des orchestrateurs. Surtout orchestratrices, parce que c'est des. Les filles, on le dit à Pazon, ils sont plus sensibles. Encore là, plein de préjugés féminins, hein? On a-tu des préjugés? Parce qu'il y en a qui sont pas du tout. Qui n'ont pas l'oreille attentive et silencieuse. Ah, oh, mon Dieu. Mais en tout cas, laissez-moi croire ça, c'est mon anniversaire. Mais hein, le gars, il dit non, moi je le dois à mes erreurs, là, hein? Parce que c'est ma fête. Hein? J'ai 24 heures d'erreurs à faire, à commettre. Le lendemain, c'est plus moi. Là maintenant, là, je me dépossède. Je me déracine. Je ne suis plus Rénal Gagné. Ouais, mais t'es rarement Rénal Gagné. Oh, ben, bonne observation, mon champion. Et donc, pour les gens qui ont fait des liens, là, Thomas Fersen a été en tournée avec Frédéric Fortin. Oui, une tournée ukulélé. Est-ce que vous vous rappelez, il y a 10-12 ans? C'était le ukulélé de Fred, qui est devenu un grand ami de Thomas Fersen, qui est, à mon selon moi, là, un des Québécois le plus français ou le français le plus québécois. Donc, je n'ai pas pris une chanson de son répertoire, mais Bella Ciao, parce que c'est festif, puis parce que ça me fait plaisir. Puis en plus, ben c'est mon anniversaire. On vous l'a-tu dit? Ben arrête de répéter. Ils s'endorment déjà. Ben, moi, ça fait 10 minutes que je ne m'endors pas. Ouais, mais là, les 8 minutes qui viennent de passer, là, ouais. C'est peut-être douloureux. Et ensuite, on a entendu, à travers tout ça, là, à travers les branches aussi, hey, c'est l'été bientôt. Ah, le printemps. Que c'est beau, le printemps. J'ai tellement rien contre. Les bourgeons, même si je suis allergique là, à plein de choses printanières, même moi, c'est 24 heures sur 24, 364 jours par année. À mon anniversaire, j'ai pas d'allergie. Ah, pas allergie au baiser. Ouais. Mon invité, c'est qui donc? Renaud. Pas Renaud Séchant, mais non, attends un peu. Là. Renaud Bernal. Mais là, je vous vole un petit punch, là, mais il va parler de French Kisses. French Kisses. Non, le CSS, parce que je voulais divulguer des affaires, mais il faut rester à l'écoute la semaine prochaine. Il faut... Oui, j'ai tendance depuis 2 semaines, remarquez-vous, je fais des projections, des prolapses. Très mauvais, là. Il va falloir que je corrige ça pour les années à venir. puis même à partir de maintenant. Donc, c'était un petit préambule sonore là, sur la, Serge Gainsbourg qui parlait de sa gueule ravagée. Ça, c'est des textes inédits. J'ai acheté un CD à un moment donné sur eBay, là, aux enchères. Il m'a coûté un bras. Ça a été fait en 89 et ça valait la peine de l'avoir entre les mains. Ça a été fait par qui? Ah, Europe 1. Puis Maudicarte. Pour Maudicarte, ça existe encore. Mal. Puis bien sûr, produit par les Inrocutibles. Qui? Inrocutibles. Les Inroc. Pas compliqué de ça, les Inroc. Donc j'ai puisé à la larme de tes yeux, non même pas aux larmes de tes yeux, des chansons, des disques et des disques. Mais comme mon émission dure 2 heures et je veux laisser la place à mon ami pour la dernière fois, Liz Van Dock. Les 60 premières minutes ont été consacrées à mon expérimentation sonore qui ne sera pas très, très complexe. Là. On ne va pas faire jouer de l'expérimental, mais du rénal. Donc, je vais vous énumérer des albums que vous n'entendrez peut-être pas. On va voir. Claude Nougaro au Zénith que j'ai acheté en 89 aux douanes à Paris parce qu'il me restait des sous. De l'argent, des francs. À l'époque, c'était des francs. Donc, je me suis acheté ça aux douanes et j'ai encore le coupon à l'intérieur. Il faudrait que je regarde, mais je ne veux pas briser le truc. On ne sait pas ce qui peut arriver. Ensuite, j'ai Jean-Louis Aubert avec son album Plâtre et ciment que j'adore. Un autre Nougaro, puis je trouve ça étrange parce qu'on ne le retrouve pas ailleurs dans ses compiles ou lorsqu'on s'agèle des coffrets. C'est une voix et 10 doigts, c'est au piano, extraordinaire. Donc, si on place des chansons rythmées, comme j'ai vu, ben j'ai 4 boules de cuir à vous offrir, 4 boules de cuir, peut-être, au piano, voix, là, c'est très intéressant. Encore Jean-Louis Aubert avec un disque, peut-être c'est, non, c'est pas celui qui me l'a fait connaître, qui s'appelle Jean-Louis Aubert H. Charlie Lécouture, Solo Boy. Tout le monde qui me connaît un peu savent très bien que j'ai une affection particulière pour Solo Boy de mon ami Arthur H. Ça, c'est mon la prochaine pièce. Vous entendrez peut-être même pas tout ça, mais je sais pas. C'est Gashpati, mon plaisir coupable, avec Étienne. Il y a tellement plein de trucs qui rentrent dedans, comme c'est pas assez, manque de détails. Let Me Must The Queen, c'est un grand succès aussi. Étienne, bon, Triangle aussi. Bon anniversaire. Oh, mais tiens, pourquoi pas? C'est même pas Étienne qu'on va entendre. C'est bon anniversaire. J'ai essayé de la rencontrer cette année, Gashpati. Même pas cette année, cette année. Donc, avant de cette année... On est en forme, hein? Avant de se tanner, cette année, on arrête de répéter. Les gens ont compris ce premier coup. C'est pas parce qu'il est minuit 23 là, qu'on dort. Hein? Oh, gâche. Pati. On y va. Sonne. Je pense. Si on emboîte en canette, on boit, on fait des ronds et on pète. Ça fait mal à la tête le lendemain, mais on va remettre ça sans fin. Ça me rend amoureux, amoureux. Et puis ça me réveille la queue. Amour. Mais si jamais j'ai trop abusé, y'a rien à faire, le pas bon. Hein? Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait de moi, la guerre? La guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Et en vivant mon avant-dernière, avant-dernière, avant qu'on me rende ma dernière, vite, je veux recevoir l'extrême onction. Un grand coup de mal du de houblon. La bière, la bière, la bière, la bière, la bière, la bière. Qu'est-ce qu'elle a fait de moi, la bière? La bière. Addict. Mais je touchais pas aux drogues, j'ai jamais touché à une drogue. Douce ou dure, non, j'étais bien ici. Puis ça me donnait des audaces à l'horizontale. Parce qu'en fait, là-dessus, je suis très timide. Il fallait que je sois bien organisé pour faire des prouesses. J'étais un mètre en matière. Deux mètres. M.E. de T. J'ai un Mickey Mouse, un gourdin dans sa housse. Et quand tu le secousses, il mousse. C'est classe, hein? Classieuse. C'est pas fini, pas fini. J'ai un Mickey Mouse, une espèce de pousse de bambou dans sa brousse. J'ai un Mickey Mouse, un gourdin dans sa housse, et quand il secoue, il mousse. J'ai un Mickey Mouse, de 4 pieds 6 pouces. Quoique. Qui fiche aux blondes, d'ailleurs aux rousses, la frousse. J'ai un Mickey Mouse, un gourdin dans sa housse. Et quand il secousse, il mousse. J'ai un Mickey Mouse, une paire de pamplemousses. En avant, tout est douce, je pousse. Oh my lady, tes mains divines, referme sur moi tes ailes. Mon bel ange, ma toute belle. Oh my lady héroïne, ma liaison clandestine. En douceur, mon secret candide, emmène-moi au paradis. Ma beauté, ma divine, toi mon amour platonique, mon bébé, ma fille unique. Oh my lady héroïne, aussi pure que Justine, tous les malheureux de vertu et tous ces voleurs me tuent. My lady. côté, je devine. Quand ton regard me transperce tous les charmes de la Perse. Oh ma lady héroïne, mon opium, ma cocaïne. Es-tu venu d'Extrême-Orient ou bien d'un marché persan? Charme de la Perse. Oh my lady héroïne, mon opium, ma cocaïne. Es-tu venu d'Extrême-Orient ou bien d'un marché persan? Comme je vous ai dit, j'adore les albums publics en concert. Donc, ce qu'on a entendu, j'aime ça. 34 minutes de jouissance là, pour moi actuellement. Là. C'est merveilleux. Le monde est beau, le ciel est bleu. Ben oui, le mois de juin, début juin. Oh! Ah! On respire, moins habillé. Hein, comment ça, on respire moins habillé? Ben non, on en met moins. Quoique, toi, à ton émission, t'en mets beaucoup. Oui, mais je parle des vêtements. C'est beaucoup plus rapide de sortir à l'extérieur. On n'a pas de bottes. On n'a pas de souliers à crampons, on n'a rien à rajouter, on sort, on part, on est heureux, les écouteurs, CKRL nous gazouille dans les oreilles, les animateurs sont flamboyants, la musique est exceptionnelle, c'est sublime. On a entendu. C'est très rare que tu racontes tes chansons. Ben oui, mais c'est hors norme ce soir, là, cette nuit. On n'entendra plus jamais ça. Là. L'animateur ne fera plus la même culbute. C'était Gashpati avec Bon anniversaire. Je la remercie. Ensuite de ça, mon ami, mes amis, Garçon Boucher. Avec la bière. Il y a aussi une version de mon ami. Aussi. J'en ai des amis, j'en ai. Mais c'est unidirectionnel. Hein. Ils ne savent pas. Quoique mon oncle Serge, il s'en doute un peu. Là, qui a fait une chanson assez extraordinaire, L'âge de bière. On n'entendra pas. Et ensuite de ça, une petite apparition de Gainsbourg, hein, des entretiens introuvables. Ça fait plaisir de vous l'entendre, de vous le faire entendre. C'est sa vision, et surtout la façon dont il nous a entretenus sur un thème qui lui a été très cher et même qui lui a enlevé la vie, entre autres, l'alcool. Et puis, ben, j'ai voulu vous faire entendre Mickey Mouse, un texte de Gainsbourg, toujours. Et My Lady Heroine, pour les puristes, ben, ils me diront, d'après un thème, bien sûr, de Kitty Blee. Gainsbourg a fait aussi des chansons beaucoup plus jazzées. Les puristes me diront que c'est les meilleurs. Mais les amateurs, eux, trouveront tout est bon, un peu comme certains animaux. Tout est bon dans le coron, tout est bon dans Gainsbourg. Tout, tout, tout. Puis, j'ai eu un moment d'adolescence très gainsbourgeois. Et ensuite, Bachung est arrivé. Bachung. Là, je suis certain que certains... Ah oui, je suis certain que certains, moi. Oh, certain que certaines. Les auditeurs ont en mémoire des pièces que j'ai fait jouer souvent de Bachung. Dans votre fort intérieur, vous vous dites, il va nous envoyer 2-3 pièces. Peut-être pas. Même pas une. Je sais pas. Il y a Noir Désir aussi qui a beaucoup contribué à mon enrichissement musical. Ça, c'est uniquement du côté francophone. Il y a Stéphane Escher au début de sa carrière en Suisse, des albums, des chansons inédites. Je ferais peut-être entendre une pièce. Nougaro, ce qui me plaît chez ce gars-là, puis peut-être que c'est ça que je vais vous faire entendre, c'est qu'il avait signé avec Barclay depuis des années et des années, mais comme les maisons de disques sont souvent intransigeantes, et lorsque tu n'as plus le succès escompté, mais comme tu as l'estime d'un public... Mais avant de parler d'estime d'un public, je me suis rendu compte que j'allais enlever une chanson que je vais vous faire entendre d'un Québécois que j'adore pour plusieurs raisons. parce qu'il est 500% extrémiste, comme moi. Et c'est aussi une version que l'on connaît très peu de cette chanson, qui a été une bombe dans les années 90. C'est un disque très rare. Toujours, moi j'essaie les raretés. J'essaie de trouver les raretés. Cookie, c'est un remix. Et son nom, c'est Jean Leclerc. Mais sur ce disque, c'est Jean Leloup. De son endroit préféré, elle vient juste de rentrer pour poudrer son joli nez. Sur la plateforme blanche, tout doucement elle se penche, retenant ses longs cheveux de tomber devant ses yeux. Y'a des filles comme ça qui ne s'arrêteront pas. Y'a rien à faire, c'est l'enfer. Rien à faire, elle exagère. Fille est morte de cookies qui aimait trop la couleur rouge du genre. Si tranquille, dit-elle à Marie-Lucille, qui a les dents toutes serrées, elle est vraiment trop crispée. Je me demande ce qu'elle a pris, encore de la cochonnerie. Heureusement que j'ai des amis, eux au moins ils m'ont compris. Oh, y'a des filles comme ça, qui ne s'arrêteront pas. Y'a rien à faire, c'est l'enfer, rien à faire, elle exagère. Fille est morte de cookies, qui aimait trop. Dans la rue, une auto de la frapper. Oh, sur le sol, sa tête éclate. Mais le sang pisse écarlate. Et bon sang qu'elle s'éclate. Et bon sang qu'elle s'éclate. Y'a des filles comme ça qui ne s'arrêteront pas. Y'a rien à faire, c'est l'enfer. Rien à faire, elle exagère. Fille est morte de cookies qui aimait trop la couleur rouge ou jaune. Rouge ou jaune. Rouge ou jaune, rouge ou jaune. Quelquefois, l'industrie du disque est une salope, puisque on te donne la chance de faire des disques, des albums, on te crée une carrière et du jour au lendemain, on te congédie. C'est arrivé à plein d'artistes. Je crois un des premiers, ça a été Claude Nougaro. Après ça, il y a eu celui que je vais peut-être rencontrer cette année. J'ai un blanc de mémoire. C'est incroyable d'avoir un blanc de mémoire pour cet homme extraordinaire. Mais en tout cas, ça me reviendra un jour. Non, mais c'est un alibi. Mon alibi, c'est 50. J'ai 50, c'est mon alibi, 50. Alibi 50, c'est quoi? C'est une nouvelle carte de sagesse. Une carte de sagesse. Jamais j'aurai dans mon portefeuille une carte pour payer moins cher certains articles ou avoir des gratuités à cause de mon âge. Jamais. Non pas c'est de la coquetterie. Pas du tout. Mais je trouve que ça fait trois petits points. Là, non, mais il y en a, je respecte les gens qui le font. Mais moi, là... Ça n'irait pas dans ma direction intellectuelle. Je manquerais, là, je me... Ouais. 50 ans de poursuite, mon gars, à la marginalité pour descendre à un moment donné à présenter tes cartes. Ouais, regardez, moi, j'ai droit à un café, madame. Ouais, oui, hein, ma carte, j'ai 50 ans. Un petit café, regarde. J'ai pas droit de... Pas de verre. Ah, oh, vous mettez ça dans la main? Ouais, mais votre cachet... Votre cachet, toi? Vous allez me brûler? Allez vous cacher. Je suis gêné à votre place, madame. Moi, un aîné de 50 ans, là, vous allez me mettre du café dans la main? C'est pas une hostie, ça! Quoique, mais moi, ça me fait la même chose, moi, ça me brûle la main. Combien j'ai eu des rondelles à un moment donné, mais des rondelles de style là, qui m'ont brûlé. Brûlé la main, la paume. La paume, puis après ça, je l'ai enlevé, l'hostie, puis ça a fait comme une marque de clou. J'ai dit, mais voyons donc, suis-je le nouveau? Non, mais il se pose des affaires dans ma tête. Suis-je le nouveau? Puis là, je me suis assis en indien dans le milieu de mon salon avec un tapis. C'est important d'avoir un tapis pour les ondes. Moi, je capte beaucoup ces KRL sur un tapis, mais je voulais aussi aller. C'est un peu moins haut, vous allez me dire. Là, ces KRL, c'est au plafond. Là, c'est dans l'infini. Puis dans l'infini, il n'y a pas de plafond. Oui, bravo, madame. Vous avez répondu justement. Cela est juste et bon. Mais je voulais avoir un signal de l'au-delà. Parce que si c'est moi le prochain, je voudrais être au courant. Si tout le, les gens m'arrivent à ça. Eux autres ont eu le signal. Hein? Ont eu le rapport d'en haut que je suis celui le prochain. Mais moi, je ne suis pas au courant. Imaginez-vous, ils viennent me rencontrer. Ah, c'est vous. Comment ça, c'est moi? C'est vous. Ah, c'est vous. Oui, c'est moi. Tout le monde m'embrasse les mains, les pieds. Ah, mon Dieu. Ça a commencé avec le petit Benjo. Mon Yorkshire, qui me lèche les mains, qui me lèche toutes les plaies, mon ami. Ça n'a pas de bon sens. C'est mon docteur Guéritou. Oui. C'est le docteur Guéritou qui a un remède à tout. Mais lui, c'est amateur parce que je pense qu'il élargit la douleur. En parlant d'élargissement, c'est bien beau avoir un public, mais là, un public qui me dit quoi? Là, je comprends pas vraiment le message. Je suis le prochain quoi? À mourir? Je suis sur la liste? En haut, ils vous l'ont dit, puis ils m'ont pas informé. En bas, voyons donc! J'ai les cartes de membre, moi, là, mais pas celle de 50. Ah non. On pourrait aller plus loin là-dessus, là. Mais malheureusement, on laisserait aller des belles chansons. Et Claude Nougaro, c'est un gars qui a été jeté, au même titre que celui que je me rappelle plus, là. Et c'est comment... Je le vois, en plus. Il a travaillé avec Serge Gainsbourg. Il a travaillé avec bien des gens. Ah! Un blanc. Mais quand t'as des blancs, faut pas en parler. OK. Alors, Barclay l'a jeté aux poubelles. Il est revenu en force. Revenu en force avec une autre compagnie de disques. EWI. Hein? EWI. Et son écriture. Encore là, on va parler aux puristes qui avaient la même vision de Gainsbourg. Bien, Gainsbourg Jazz, c'est intéressant, mais après, quand il a fait du rock ou en tout cas de l'électro-funk, ben, Nougaro est revenu en force avec Nougat York de l'électro-funk, comme Gainsbourg l'a fait avec Love on the Beat et You Under Arrest. Et celle que vous allez entendre, c'est en studio, pas en studio, en spectacle. Le disque que j'avais acheté, vous vous rappelez, aux douanes, parce qu'il me restait des euros. Donc, on y va. Mais là, le pire, c'est que je ne sais pas si c'est celle-là ou celle-là. Ça doit être, oui. Nougat York, on y va. Pour les autres, ben, excusez-moi, là, il n'y aura pas Armstrong, puis non. J'ai le droit aujourd'hui, j'ai le droit. J'ai pas juste le doigt, j'ai la pompe qui brûle, là. Les ondes. Je suis le nouveau crétin, mais non, imbécile, insipide, incohérent, c'est moi l'incohérent, oh, on revient, c'est excellent, merci mes amis. Comme on s'allait marre sur les stades d'une bloc. bagarre, c'est de la merloque. Se rase la bagarre, ok, je suis un oc. J'aurai le gros cigare, en or, les pains choquent. J'ai senti le choc, faut rentrer dardare dans la ligne de coque. Un nouveau départ, solide comme un roc. Une pluie de dollars, ici, nous gaillons. Ici, superstar, je suis gonflé à bloc. C'est l'enfant de l'art. C'est le falacoque. À moins qu'on lascar, au détour d'un bloc, et son rien car me découple l'âme. Passons jambon bloc. Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va, sinon toi. Aucun trolley ne me tiendra si au perché. Aucun vapeur ne me fera fondre. Des escalators aux chariots ailés, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai allongé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus le verger. Et délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Aucun walala ne vaut le détour. Aucun astronef ne s'y attarde. Aucun navire n'y va, sinon toi. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers. Et délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. portée. Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va. Épouser ses méandres, je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus le verger, délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Une pierre deux coups. Oui, Noir Désir avec Alain Bachung. Non, ce n'était pas volontaire. Pas volontaire dans le sens de volontaire, mais la chanson volontaire, c'est ce qu'on connaît d'Alain Bachung et de Noir Désir. Tout ça a commencé à Québec, au Festival d'été. Ils se sont rencontrés là parce que Noir Désir faisait la première partie et Alain Bachung la deuxième. Suite à ça, ben, ils se sont revus dans des festivals. Tranquillement, l'amitié s'est comme soudée. Et par la suite, ben, ils se sont croisés comme ça dans la vie. Un bel hommage dans l'album. Les critiques ont été coussi-coussa. Si vous procurez tel quel, tel Alain Bachung, comment ça s'intitule? Tel avec Alain Bachung, d'Alain Bachung, de la... Tel, ça, T-E-L-S. Ça va bien, ça va très bien, faites-vous-en pas. Et c'est des chansons de Bachung reprises par plusieurs. Noir Désir, Gaétan Roussel du groupe Louise Attaque, qui a fait le dernier album Bleu Pétrole de Bachung. M, Mathieu Chédid, Benjamin Biolay, L'Homme à Femme, Karine Anne, ils ont fait des duos ensemble, eux autres. Puis ils ont relancé la carrière de Je voudrais le Fred Astaire, avec des grésils beaux. Dans mon soleil d'hiver. Ce beau monsieur. Vanessa Paradis, Angora. Mais j'aime bien aussi Vanessa Paradis quand elle refait la version de Cactus. Wow! J'aimerais bien l'être, un cactus. Stéphane Necher dans Volute. Très belle chanson. Dionysos 2043, ça va être très bien. Christophe Alcaline, rien à dire. Bébé Brune. Miossec, Osée Joséphine. Très intéressant. Raphaël, l'apiculteur. Audacieux. Et si vous vous procurez l'album DVD, ben vous avez un métrage qui s'appelle... vous avez un documentaire, tiens, qui s'appelle « Faisons en vie ». Avant de passer à mon invité, parce que là, c'est le temps de terminer ma rencontre avec Lise Van Dock, cette belle demoiselle au grand talent. Puis tout sera parsemé, tout ça, hein, comment tout parsemé de fleurs des champs. On est dans le champ depuis minuit, car c'est une occasion assez spéciale pour moi. J'ai mis, comme je vous l'ai dit en début d'émission, Lego en arrière, dans un placard. Je vais régler son cas tout à l'heure, faites-vous-en pas. Si vous entendez crier, là, appelez pas la police. Il risque d'avoir des débats. Des bas et des hauts. J'avais des hauts, j'avais des bas, et surtout des bas. Mais là, il n'y en aura pas. Vous l'avez remarqué? Nous montons. Pas besoin de fusée. Uniquement la mélodie, uniquement les ondes de CKRL nous amènent dans l'infini. Et là, auteur, compositrice, je vais vous dire... OK, on vous sort la cassette. Aujourd'hui, le vendredi 2 juin 2017... Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confond la neige. Que font la neige? C'est important de savoir ça. Que fait la neige le 2 juin? Ben, les derniers flocons essayent de fondre. Avez-vous déjà vu des flocons le 2 juin qui s'efforcent de fondre? Oh! Vas-y, c'est temps! c'est pas facile. Oh, comment ça, il n'y a pas de soleil? Oh, je suis à l'ombre. Oh, on est à l'ombre. Oh, on est un banc de neige. Oh, c'est sale en plus, c'est noir. Les gens ne nous aiment pas. Les chiens nous font des ils nous urinent dessus, quoique, hein, c'est pas pire, hein, fin du compte. Oh, vas-y, fond. Oh. Ouais, mais comment ça, l'urine de pitou nous fait pas fort? Parce qu'il n'y en a pas assez. Quoi que l'urine de pitou amène d'autres pitous, là? Hé, hey, moi, c'est mon télétoile, man. Mon télétoile, à moi, ça. Tu viens de pisser sur mon télétoile, moi, pisser sur le tien. Fait que... Un autre passe, un petit caniche. Hé, hey, c'est mon territoire, ça. T'as pissé sur mon territoire. Il lève la patte, ouais, donc. Puis l'autre. Hé, hey, ça, c'est mon territoire. T'as pissé sur mon territoire. Moi, on va te pisser sur le territoire. Hé, ben, fait que, tu sais, c'est des combats. C'est comme nous, hein, les humains. Nous sommes tous des animaux. À 3 heures du matin, pisse dans le banc de neige. Alors ce soir, cette nuit, là, si vous passez devant encore un amas de neige, je pourrais pas vous dire ça parce que je suis contrevenant, là, puis la loi l'interdit, on peut pas uriner, nous, dehors. Fait qu'amenez votre chien, achetez un chien, louez un chien, frappez à une porte où vous savez qu'il y a un chien qui habite là. Puis dites à la personne, hey, est-ce que je peux faire, est-ce que je peux amener Pitou faire pipi? L'animateur d'Errance Renatienne, c'est KRL. Ben oui, l'animateur. Pardon, oui, ah oui, attention, l'animateur de CKRL. Bravo, bravo, oui. Mais il nous a dit de trouver son Pitou puis de le faire pipi pour que la neige descende. La neige descende. Ben fond. Tombe en liquide, là, se liquidifie. Donc, glisse, glisse, glisse. Alors, imaginez-vous, là, des flacons qui n'ont ni chien qui urine sur eux, ni soleil qui plombe sur eux. Mais là, qui sont un peu en retard, là. Voyons, donc, c'est 2 juin, puis il nous reste une petite motte, là. Fond. Fait que pour eux, nous allons créer l'osmose. Avant de passer à mon invité, Lise Van Dock, une fille exceptionnelle. Alors, tout ensemble, on se met en rond autour de notre radio. Si vous êtes 3, là, essayez de faire un triangle, pas un rond, on sera incapable. Équilatéral, un diocèle. Celle-là, oui, celle-là. Exactement. Alors, aux 4 coins, on va forcer. Non, c'est pas la danse des canards, Madame Thibodeau, elle est forte là-dessus. Elle aime ça. Elle, compagnie créole puis la danse des canards. C'est la danse des canards, c'est pas ça. Joyeux Noël et à l'année prochaine. Non plus. Là, on va focusser sur des ondes. Donc, on va grossir les rayons pour en arriver à une torche. Une torche, bien sûr, imaginaire qui va faire fondre les derniers flocons qui se sont rassemblés entre eux, là, comme pour jouer aux cartes. Attends, on va rester... Hey, on est à Catimini. Hey, on est des durs à cuire. On est un petit tas qui va rester jusqu'au mois de juillet. Mais là, non. CKRL va vous faire fondre à l'instant. Donc, à go, on va faire... On doit visualiser, bien sûr, un banc de neige. Ou un flocon. C'est plus facile, le flocon, OK? Alors, dans notre tête, on voit le flocon. Puis là, on va placer une loupe au-dessus du flocon. Tout est imaginaire, là. Puis avec nos rayons extrêmement puissants, nous allons faire fondre les derniers cristaux. OK? Pas les cuisiniers, les cristaux. Non! C'est pas celui-là, les cristaux de neige. On n'appelle pas ça un cristaux, un monsieur qui fait de la cuisine ou une madame qui fait de la cuisine. Oh, OK. Mais c'est pas le sujet, là. Alors, on s'efforce à go, envoyer des ondes. La loupe. Puis le flocon, OK? 1, 2, 3. Bon, il reste peut-être des bancs de neige. Mais le plus gros a été éteindu, j'en suis certain. Il y a des flaques d'eau. Lorsque vous allez sortir, c'est nous qui les avons provoqués. À CKRL. Maintenant, on va laisser la place à mon ami Lise Van Dock qui va terminer notre deuxième partie de rencontre avec elle. On se retrouve la semaine prochaine et merci, merci, merci de vos courriels, de vos messages. Vous êtes extraordinaires. Je vous adore. Donc, toutes les chansons seront... Mais pas toutes, là. Lise Van Dock a une carrière qui commence. Donc, les autres titres seront de mon cru, mais pas de mon album à moi perso, là, mais de ce que j'aime et ce que je veux vous faire partager. Donc, on y va avec un morceau incroyable. Je vous laisse deviner. Ben oui, c'est ça. C'est lui. Monsieur Richard Desjardins, les Yankees. Son verseau, les chèvres buvaient au rio. Nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort malgré le fret et les barbares. Nous savions qu'un jour il viendrait à grands coups d'axe, à coups de taxe. Traverser le corps de bord en bord. Nous, les derniers humains de la terre, Achille dit à soi, c'est un peu trop tranquille. Ami, laissez-moi faire le guet. Allez, dormez en paix. Du tonnerre, ni la rumeur de la rivière, mais le galop de milliers de chevaux en course dans l'œil du guetteur. Et tout ce monde sous la toile qui dort dans la profondeur, réveillez-vous. V'là les Yankees, v'là les Yankees, y come with you go, v'là les gringos. Dans la clairière, ils disposèrent leurs jouets de fer. L'un d'entre eux, loadé de guns, s'avance et pogne le mégaphone. Nous venons de tubing control, son laser vibre dans le pôle. Nous avons tout, tout, tout conquis jusqu'à la glace des galaxies. Le président m'a commandé de pacifier le monde entier. Nous venons en amis. De discussion ici et moi la rédition car bien avant la nuit nous regagnerons la Virginie. V'là les Yankees, v'là les Yankees, y come we y go, v'là les gringos. Alors je compte jusqu'à trois et toutes vos filles pour nos soldats. Le grain, le chien et l'uranium, l'opium et le chant de l'ancien. Tout désormais nous appartient. Et pour que tout soit bien compris, je compterai deux fois. Et pour les news, la CNN, tell me my friend, qui est le chef ici? Et qu'il se lève. Et le soleil. Nous avons traversé des continents, des océans sans fin, sur des radeaux tressés de rêves. Et nous voici devant vivants, fils de soleil éblouissant, la vie dans le reflet de. Ça fait longtemps que je t'attends. Oh Gringo, viens-t'en, viens-t'en. Allez Gringo, que Dieu te blesse. Dormait dans son verso, les chèvres buvaient au rio. Nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort, malgré le fret et les barbares. Merci, bonsoir. T'es comme le vent passant devant la toute bonne. T'es comme le vent passant sifflant si près du corps. Comme le vent doucement m'effleurant vaguement, moi qui crois que tu mords. Comme le vent se levant, venant puis revenant, si avenant. Alors, moi je prends les devants, moi je vais de l'avant, en t'invitant dehors. Mais toi, courant fuyant, de ton souffle j'entends, restons des copains d'abord. Et nous voilà ainsi, et nous voilà amis, amis, amis. À tort, oh oh oh oh. Et nous voilà ainsi, et nous voilà amis, amis, amis, yamo. Mais quand ta bise m'approche, que tu me reviens pour un salut, pourvu que nos joues glissent et que s'approchent. Et puis les nuits. cela ne dure qu'un temps. Et l'instant suivant, la brise à l'envers. Dans l'instant suivant, toi le bel élan repars en arrière. Tu dis ça va comment? Tu me parles du temps, ton soleil de l'air. Tu dis ça va comment? Tu parles du temps, tout le temps et face au réverbère. Nous voilà ainsi, et nous voilà amis, amis et moi. Amer, et nous voilà ainsi, et nous voilà amis, amis, amis. Ah merde! Et puis ta bise m'approche. En coup de vent, moi planté là devant, quand la brise cesse. Après ton bon vent, ma main se levant, coucou, dans un geste. Mon cœur combattant et mes bras ballant de toi ce qui reste. Des nuages flottant, j'ai pris face au vent, j'ai pris une veste, mais dorénavant. Je n'ai plus peur du vent, car je me suis pris une veste. Oui, je me suis pris une veste. Oui, je me suis pris une. Très populaire hein, mais il faut que quand tu l'écoutes plusieurs fois, j'aime bien quand les gens me disent j'ai écouté plusieurs fois ton disque, parce que la première fois le sens il n'était pas évident, et en fait je trouvais ça super intéressant au bout de la troisième comme, ouais, mais je trouve ça cool. Mais l'évolution, tu la remarques depuis le début? Ça fait 8-9 ans que j'écris, ouais, que tu es dans le milieu plus professionnel, ouais. Au niveau de ma vie professionnelle, ouais. carrière entre guillemets, oui, c'est sûr que bah, en fait, dès que l'album est sorti, il y a eu beaucoup plus d'activité. Il y a 8 ans à peu près. L'album il est sorti il y a 3 ans. Ok. Mais il a fallu 5 ans de préparation. De rodage. Enfin, pendant 5 ans, j'ai fait beaucoup de scènes, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai fait bah, des spectacles au Québec, en France, des As-tu résidences. As-tu fait un spectacle à Québec? Pas mon spectacle, mais j'ai fait le Grand 8 à l'époque. Oui, c'était un mélange de 4 auteurs français et 4. Au Petit Champlain? C'était au Petit Champlain, je crois. On a fait un truc, c'était aux Rencontres qui chantent en Gaspésie. En Gaspésie, ok, non, mais à Québec, la ville de Québec. Et à la ville de Québec, j'ai jamais. Okay. J'ai un ami qui habite à Québec, un philosophe qui est parolier. Oui, français? Non, québécois. Qui a été d'une grande. Son nom? Ah, tu cherches? Ouais, je suis en train de chercher. Mais j'espère qu'il faudra couper parce que. Non, un jeune? Non, Marc. Marc, faudrait que j'ai le monde de ses nouvelles d'ailleurs. C'est un super parolier, il a écrit plein de gens et à chaque fois que je le vois, c'est génial. Je vais m'informer. Marc. C'est un philosophe à la base. Ok. Beaulieu. Marc. Tremblay. Non. Parce qu'il y a 80% des chances que je puisse. Il y a beaucoup de Tremblay au Québec. Ouais, c'est ça. Mais le travail que tu fais depuis le début, est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y a un fil médian? Est-ce que. une continuité ou si tu veux pas t'attarder à ça et tu fais ce que tu as à faire, tu as comme l'art brut, tu as des pulsions qui t'incitent à écrire. Ouais, je pense que ça marche par pulsion. C'est des obsessions qui arrivent comme ça et juste. Après, j'ai envie d'écrire, enfin, ou la nécessité de terminer l'écriture de la chanson. Mais c'est pas parce que tu commences à écrire que tu vas la terminer là. Tu la commences et puis si ça bloque, puis tu la mets en tablette et tu réécris quelque chose d'autre et après ça, tu peux revenir sur un autre texte. Ouais. J'ai des obsessions qui peuvent revenir aussi. Ce truc de la chanson s'appelle Sur le papier. Et en français, enfin. Sur le papier, je sais pas si au Québec ça a tout à fait la même signification que chez nous, mais sur le papier en fait c'est une expression, mais ça veut dire en théorie ça marche comme ça. Ah oui, ok, voilà. Okay, donc, mais sur les fesses. Quand tu parles, quand tu dis notre amour marche bien sur le papier, ouais, c'est, ouais. Ça mais marche, réalité, c'est mais pas la vrai. Réalité n'est ah, pas. Ouais, c'est n'est tout pas autant, ouais. Donc en fait je m'amuse à jouer sur ces jeux de mots-là et voilà. Et en même temps, il faut que ça reste proche du crayon et de la feuille. Temps, et on peut sentir, quand tu parles de ça, la petite mélodie qui va se rattacher à ça. Parce que ça peut pas être quelque chose de l'autre. C'est sur le papier. tu peux pas faire un orchestre symphonique. Peut-être, ce serait merveilleux. Mais ouais. Au début, c'est un peu comme un oiseau qui descend, qui est dans le ciel et qui descend. Ouais. Oui. Oui, il faut faire attention à la mélodie. Est-ce que tu considères plus une mélodiste ou... Ou une écrivaine à la limite. Ben, des fois je suis très fière de certaines de mes mélodies, puis des fois je suis très fière de certaines de mes poésies écrites, donc textes. Donc en fait l'écriture vient de. Est-ce que tu frappes aux portes pour te Est-ce que tu consultes des gens quelquefois lorsque tu es en création ou tu te laisses tu restes dans ton monde et tu veux pas avoir de directives ou de critiques des ouais. autres? Non, si, de temps en temps, je vais voir des gens, Bastien, tout ça, Bastien Lucas qui a fait avec moi le premier album. Ouais. Qui était arrangeur, on peut dire. Ouais, il est arrangeur, mais ouais. Il est aussi auteur-compositeur et du coup, il a aussi cette vision-là et aller le voir de temps en temps, comme on a une vision assez différente, je pense, de nos chansons. De la manière d'écrire, c'est intéressant de voir comment lui débloquerait certaines situations. Il veut faire ça? Lui, il me consulte pas tant que ça. Okay. Bah si, il me demande pour mon spectacle. J'ai été le voir en concert, il m'a dit qu'est-ce qu'on a pensé et je lui ai fait un peu un speech de mes conclusions sur ce spectacle. Mais tu lui caches rien, tu es vraiment véridique. Mais peut-être que tu enrobes certaines ouais. choses pour oui, pas le... Oui, bien sûr, il faut essayer parce que je peux être un petit peu trash parfois. Donc un peu comme ta musique. Poli. Un peu comme ouais, tes textes. Je suis plus gentille dans la vraie vie, peut-être que... Ouais, t'es moins rentre-dedans. Ouais, c'est ça. Complètement. Mais ton entourage musical, est-ce que ça risque de devenir, à un moment donné, des gens avec qui tu veux collaborer? Bah, en fait, les collaborations, ça vient... Ça viendra. Ça viendra, ben, en fait... Bastien, j'ai pas forcément envie de lui demander un texte, parce que. Mais non, par mais contre, à deux mains, à quatre mains, plutôt pas à deux mains, à quatre mains, non? Pour un texte, écrire à deux? Ouais, pourquoi pas. Pour ça après peut, ça l'interpréter ça à peut, deux? Ça peut aussi, des fois je mais lui demande. Mais t'as pas réfléchi à ça ou ça t'intéresse pas encore pour le moment? Pour l'instant, je pense que ça m'intéresse pas, j'ai pas été jusqu'au bout de ce que je voulais. Exploiter, je veux vraiment que ça vienne de moi aussi. Et c'est juste aussi parce que je suis très exigeante et que je me laisse pas toucher par les esthétiques des personnes qui me proposent leurs textes spontanément. Est-ce que tu te considères comme une rêveuse? Je ne sais pas. Je suis une rêveuse pragmatique. Okay. C'est une partie de moi qui rêve et puis une partie de moi qui est quand même très ancrée. Alors, il faut quand même que je réussisse à décoller moi-même et que je me laisse porter et par moi. Et c'est ça qui est difficile. Oui, je pense que c'est plus difficile que d'être pragmatique, ouais. Crois-tu éventuellement te poser à Paris? Parce que t'es pas de Paris? Non. J'ai réfléchi. Est-ce que en banlieue, c'est ça, c'est en région? Nous, c'est la région, mais toi, tu appelles ça comment? Ouais, tu habites en dans une autre région, ouais, mais les distances sont pas tout à fait les mêmes. J'habite à 2 heures au sud, j'habite à Orléans. Mais il y a beaucoup de jeunes créateurs à Orléans, ça bouillonne. Il n'y en a pas tant que ça, mais... Mais plutôt dans l'underground, des groupes underground, il y en a beaucoup. Bien sûr, ouais, ouais. Et la région centre est très dynamique au niveau des... Et c'est très jeune, Orléans. Ouais, c'est étudiant, c'est une ville... C'est pour ça que tu y restes ou c'est parce que c'est économiquement parlant? Économiquement, c'est quand même vachement plus avantageux que d'habiter à Paris et que juste si j'ai besoin de place pour écrire et que je pouvais pas m'acheter un appartement à Paris, alors j'ai acheté à Orléans et du coup je peux être... Acheter un emploi loué, c'est bien ça. J'ai eu de la chance dans ma vie, donc... Je la consomme. Est-ce que tu viens souvent ici à Paris ou Ouais, je viens souvent. Je viens au moins une fois par mois, si c'est pas deux. Et tu restes 2-3 jours ou une soirée. Des fois, je fais un aller-retour. Et là, tu as été en aller-retour actuellement? Non, là, je suis 4 jours. Ok, ok. Chez mon frère. Okay. Là, c'est pour des vacances. Enfin, oui. Je te vois là, mais c'est des vacances. Mais c'est des vacances parce qu'on se rend compte. On travaille pas beaucoup, on fait juste parler. Ouais. Lorsque tu es ici, est-ce que tu cherches à t'annoncer auprès des gens du milieu? Ouais, je fais des rendez-vous, des choses comme ça. Après, c'est intéressant. Il n'y a que ça d'intéressant à Paris, parce que c'est pas le public le public ne vient pas au concert que moi je fais. C'est très très difficile de faire sa place à Paris, je trouve. On a fait des concerts aux Trois Baudets, c'était pas la panacée en termes de nombre de personnes, de public, enfin de nombre d'auditeurs, du coup, spectateurs. De ce fait, c'était un petit peu plus... ça me demande des efforts, ça me demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Je préfère jouer en province. Moi, c'est pas que je préfère, mais c'est... De c'est fait, plus réceptif, les expériences que j'ai eues sont beaucoup plus nombreuses en province et elles sont positives et non, les sont conditions... Plus réceptifs aussi en banlieue. En province, sont plus réceptifs. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui savent dans leur bled. Il n'y a pas beaucoup d'artistes. Il n'y a pas beaucoup d'artistes. Et il y a énormément d'artistes, en fait. Il y a énormément d'artistes. Mais les programmations, il y a une fidélisation beaucoup plus... présente dans les provinces parce que les gens sont abonnés Paname, on t'a chanté sur tous les tons, il y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi donc. Paname, moi c'est tes yeux, moi c'est ta peau, que je veux baiser comme il faut, comme savent baiser les gigolos. Paname, range tes marlous, range tes bistrots, range tes pépés, range tes ballots, range tes poulets, range tes autos. Paname, et viens m'aimer comme autrefois, la nuit surtout quand toi et moi, on marchait vers on ne savait quoi. Paname, y a des noms de rues que l'on oublie, c'est dans ces rues qu'après minuit, tu me faisais voir ton petit Paris. Paname, quand tu chialais dans tes klaxons, perdu là-bas parmi les hommes, tu venais vers moi comme une vraie môme. Paname, ce soir j'ai envie de danser avec tes pavés, que le monde regarde avec ses pieds. Paname, t'es belle, tu sais, sous tes lampions, des fois quand tu pars en saison, dans les bras d'un accordéon. Paname, quand tu t'habilles avec du bleu, ça fait sortir les amoureux qui disent à Paris, tous les deux. Paname, quand tu t'habilles avec du gris, les couturiers n'ont qu'un souci, c'est de foutre en gris toutes les souris. Paname, quand tu t'ennuies, tu fais les quais, tu fais la Seine et les noyers. Ça fait prendre l'air et ça distrait. Paname, c'est fou ce que tu peux faire causer, mais les gens savent pas qui tu es. Ils vivent chez toi, mais te voient jamais. Paname, le soleil a mis son pyjama, toi tu t'allumes et dans tes bas, y'a M'sieur Haussmann qui te fait du plat. Paname, monte avec moi, combien veux-tu? Y'a 2000 ans que t'es dans la rue, des fois que je te refasse une vertu. Paname, si tu souriais, j'aurais ton charme, si tu pleurais, j'aurais tes larmes. Si on te frappait, je prendrais les armes. Paname, tu n'es pas pour moi qu'un frisson, qu'une idée, qu'une fille à chanson. Et c'est pour ça que je crie ton nom. Paname, Paname, Paname. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans la salle où on est abonné? Ah bah il y a Jeanne Chéral et puis en première partie une fille qu'on connaît pas, on va aller voir. Voilà. Tu fais souvent la première partie de Jeanne Chéral? Je l'ai faite une fois. Ok. Et puis est-ce qu'elle vient te voir avant le spectacle? On a discuté un petit peu. C'était une journée un peu fatigante pour moi. Est-ce que c'est la sortie de son dernier opus? C'était pour la sortie de cet album là, oui. Okay. Elle venait d'accoucher. Et elle avait son petit. Ah oui, sa petite. Je sais pas si c'était une petite. Oui, c'est une petite. C'est une petite. Ouais. Oui, elle, ça faisait 6 mois, quoi, donc elle était très occupée. Et c'est une fille qui t'inspire? Ah ouais, je suis hyper admirative. Je l'ai vue 4 fois en concert. Je trouve ça super réussi à chaque fois. Et sa présence, est-ce que tu regardes un peu comment elle fonctionne? Bien sûr. Non mais c'est ça. Évidemment. À chaque fois que je vois un concert de ce manière, c'est pour me faire plaisir. Mais je ne suis pas comme le public. Ah non. Je suis l'œil de Moscou. Oui, c'est ça. Des pianistes, chanteuses. Non, je viens voir un peu pour me dire ah ouais ça c'est bien joué. Bah je peux pas tout prendre, je peux pas tout m'accaparer, sinon après j'ai plus d'identité moi-même. Ouais. Mais et après bien sûr que je regarde. Est-ce que tu te considères comme... ou quoi? Ouais. Est-ce que tu te considères comme une féministe? C'est un peu une question. Non, je suis la génération d'après moi, donc. Bah, tu peux être féministe même si c'est une génération. Ouais. Pas à tous les sujets, je suis féministe, mais c'est vrai que tant qu'en France, et c'est la différence avec le Québec, tant qu'en France, il y a des disparité en termes de salaire, on va parler d'argent. Chez nous aussi beaucoup. Moins qu'en France. Vous êtes. Les mecs se font un peu bouffer au Québec. Les mecs, Les garçons se font un peu bouffer la laine sur le dos par rapport aux femmes. Je pense que le féminisme est déjà assez présent au Québec. Tu veux dire, lorsqu'il y a séparation et un enfant. Ouais, c'est ça. J'ai entendu. Des hommes se plaindre beaucoup de la situation aussi, parce que les nanas, enfin, faut faire attention aux féministes quand même, enfin, dans l'idée, faut quand même pas, parce que les nanas peuvent être vachement agressives aussi, hein. Et les... C'est ce genre-là. Malgré moi, peut-être je suis un peu castratrice, mais j'essaie de... mais je me suis vachement calmée. Ok. Non, je peux... Quoi, c'est les ruptures amoureuses qui t'ont calmée? Ouais, c'est ça. Ils t'ont fait saigner le cœur et depuis ce temps-là, tu veux éviter l'hémorragie? Moi, je suis plutôt fille, donc ça va... Comment? Je suis plutôt fille. Okay. Ce qui fait que je subis aussi le féminisme. Peu importe. Tu peux pas te faire saigner trop le cœur, c'est ouais, ça? C'est ça, donc je dis calmons-nous, calmez-vous. Ah, c'est bizarre parce faites que attention. Les trois dernières filles que j'ai rencontrées étaient... Oh, ouais. Aux filles. Ah ouais, ouais. Ah, à Paris? Oui, oui, oui. Ah ouais. Oui. C'est qui? Ah! Mais tu iras voir les photos. C'est les trois dernières filles. Mmh. OK. Y a une écrivaine avec un univers tout à fait déglingué et intéressant. Il y a une chanteuse. Oui. Et son nom, c'est Paris. OK. Son prénom, tu iras voir sur mon Facebook. Puis, Pauline? Pauline Paris. Ouais. C'est Pauline Paris? Elle a changé alors? Ah non, t'es non, bien non, que... Non, elle a pas changé. Oui, mais je la connais par l'intermédiaire de ma violoncelle. Enfin, j'ai entendu ses chansons. Écoute, elle vient faire un mini-concert demain ici. Ah, c'est excellent. Et c'est moi qui prépare ça. Excellent. Ouais, si tu veux venir, c'est à 19h. Carrément. C'est 20h à la bouche du métro numéro 12. Si tu entends de la musique, tu suis la musique et on sera là. Attends, je vais le noter, c'est excellent. Il va y avoir Garance aussi, je sais pas ah, si Ah, mais tu... oui, je connais bien Garance. Mais tu joues pas de guitare, toi? Non. C'est dommage. Je fais du piano, que... bah ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu peux pas clamer quelques textes, tu veux pas? Si tu veux, ouais. Ok, parfait. Tu viendras clamer quelques textes. Est-ce que je peux prendre. Est-ce que je peux noter que tu seras là ou c'est pas encore certain? Bah si, attends, bah normalement, ouais, je crois que. Envoie-moi un SMS si tu peux pas, ok? Ok. Oh non, attends. Oui, c'est demain, ok, parce que j'ai un autre spectacle aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir, ok? Parce que je veux faire un spectacle de filles demain. OK. Parce que normalement, c'est juste des garçons, mais là, demain, c'est un spectacle de filles. OK. À 20h. Alors, 20h, où, tu dis? À la bouche numéro 12 des Abbesses, à côté du cheval de bois, là, du carrousel, à côté du carrousel. OK. Et si on n'est pas là, ben tu suis la musique parce qu'on sera pas loin. D'accord. On est assis sur un banc public. Soit à l'intérieur c'est dehors, du parc. Quoi. Pardon? C'est dehors. Oui, ben oui, c'est dehors. Oui. Oui, j'organise ça depuis un an. Pourquoi tu ris? Ah ouais. Oui, ben il faut malheureusement soit réciter ou soit jouer de la guitare et chanter. OK. Parce qu'amener un clavier, c'est peut-être un peu plus compliqué, là. Ça dépend comment c'est foutu. Ben, j'ai un petit synthé, quoi. J'ai un tout petit truc, un synthé guitare. Est-ce que tu l'amènes avec toi? Il est chez mon frère, ouais. Ben, tu peux l'amener. Où on voit ce qu'on fait sur Parce place. Parce que, en fait, est-ce que tu peux placer ça sur toi et jouer? Ouais, j'ai une bandoulière. Excellent, même. Amène-le. Ouais. Amène-le, tu feras 3-4 chansons. Pourquoi? C'est cool, okay. C'est spontané. Oh oui, ben, toujours. Fait. La première fois que j'ai organisé ça, c'est il y a un an, et ça s'est mis en place en pleine émission. Ouais. Et deux jours plus tard, on allait faire quelque chose d'assez intéressant, même de très intéressant, à l'endroit où on va se rencontrer. Alors, je te rajoute avec les gens qui sont là demain. Ouais. Parce okay. que j'ai comme une petite affiche, là. Ouais. Et je rajoute ton nom. OK, excellent. Ça marche. OK, parfait. OK. Et, mais si tu as un contretemps, tu me le dis. Ouais, c'est ça. Bah ouais, je crois que je dois avoir un copain, mais en fait, je vais... Mais c'est à 20h. Ouais, c'est à 20h, je peux l'amener. Ou oui. De toute manière, on est un peu en mode libre, je crois, oui. pour demain soir. Donc, OK. Alors, actuellement, vous êtes trois. OK, donc Garance, Pauline Barry Pauline. Et moi? Oui. Cool. OK, excellent. Ça va être des rencontres. Parfait, c'est chouette. Parfait, excellent. Et j'ai 10 questions de la fin. Oui, vas-y, je t'en prie. T'as l'air tout ému, c'est oui, je trouve ça cool parce que ça s'improvise comme ça et que ça c'est ça plaisir. La musique, c'est ça la création. Faut pas non plus oui, t'as raison, avoir un contrat à long terme parce que ouais, ça marche pas. Si tu étais un liquide. Un savon? Un liquide. Savon de Marseille. Un savon? Ouais, savon de Marseille en liquide, c'est pas mal. Pour bah, que les gens ça nettoie et à la fois c'est ça. Pour que les gens puissent s'appliquer de ta personne. Ouais, c'est cool aussi. Si ouais. J'étais une ville. Je serais Montréal, pardon, mais oui, bien sûr. Pourquoi Montréal? Parce que j'y ai passé 6 mois et que du coup, c'est plus. J'ai toujours voulu. À la retraite, je m'installerai à Montréal. Dans quelques mois. Dans quelques mois. Hein? Et tu es un peu comme Brel, quand je serai vieux, je serai intolérable. Ah non, je veux pas justement. Je veux être le plus. Qu'est-ce qui restera à ce moment-là je pense que j'en sais rien, mais je veux être multiple. Et riche des expériences passées, et je veux rigoler tout le temps. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou, fausse l'affaire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon, qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. Et qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne, qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en allée, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qu'est ma boule, joli môme. Souvent on attribue à la femme le côté maternel. Est-ce qu'éventuellement tu veux avoir des enfants? Peut-être pour vivre ça, mais je pense que je suis pas encore prête et que j'ai pas trouvé la personne avec qui faire. Ouais, ça va être. Mais c'est pas fermé. C'est pas fermé, non, c'est pas fermé, mais c'est pas encore ouvert. Ouais, c'est ça. Ça cogite. Ouais, ça cogite trop, mais ça cogite, ouais. Mais t'es jeune encore. Ouais, j'ai 33 ans, à un moment donné, il faudra un peu se bouger les fesses. Fais attention, hein, à la crucifixion, c'est là que ça se passe. Hein. C'est ça. Ouais. Il y en a qui se sont fait prendre. Ouais, oui, ben oui, ben oui. Si tu étais une langue. Si je peux juste être un accent. Oui. Ouais, je parle tout le temps québécois avec mes amis, tu vois, mais... C'est quoi parler québécois? Bah, c'est juste essayer d'imiter l'accent, mais pas très bien. L'autre, c'est vraiment c'est des souvenirs, puis là, c'est ça, t'essayes vraiment tout le temps. Puis souvent, un québécois, c'est plus difficile, parce que je sais qu'ils aiment pas trop ça, là. Ah, c'est bon, ben, trop... ouais, parce qu'en plus, t'essayes aussi de coucher avec la Belgique pour pouvoir emprunter la langue québécoise, c'est un peu ça. C'est juste un accent belge, là, mais j'aime beaucoup la francophonie dans sa richesse. C'est pas mal. Si tu étais une époque. Ah, oh, ben, pour tourner au 19e, dans Chopin, Georges de Sand, tout ça. Si tu étais un mot. Ah, ça, c'est le plus dur. Alors, ça va me prendre 3 heures avant de répondre. Mais c'est sûr que tu auras des réponses bateau à ces trucs-là, quoi. Mais paisible. Paisible. C'est pas mal. Si tu étais un aliment. Du fromage. De chèvre. Non. Du fromage. Du comté ou un truc un peu fort. Si tu étais une saison. Mais quelle odeur, hein? Pourquoi le fromage? L'hiver. Non, mais pourquoi le fromage? Tu vas évaporer une certaine odeur. Non, mais c'est pas moi. C'est... Bah oui, enfin... Si tu as du fromage. Mais c'est ce qu'il y a avec le fromage aussi, hein, c'est ouais, la saveur. Mais c'est ça, il oui. faut avoir une saveur. C'est vrai, merde. C'est vrai. Si tu... Bah oui, hey, si tu étais une saison. L'hiver. Québécois? Pas ouais. trop, hein? Ouais. Un peu? Il trash quand même, mais... Oui. Ouais. Bah en même temps, de toute manière, avec les années, il va devenir de moins en moins trash. Ouais, ouais, ouais, ouais, malheureusement. C'est bien, ouais. Non, ouais. Enfin, c'est bien. Mm. C'est... Oui, c'est triste. Il va falloir... Bah, qu'est-ce que tu... T'as pris l'avion pour venir, hein? Non, mais il n'y a pas d'hiver ici, si tu compares au Québec. Ouais. Bah, il fait humide tout le temps, par contre. Hein. Oui, mais chez nous, il fait moins 20, moins 25. Non, mais vous ne vivez pas... Enfin, c'est très difficile humainement, l'hiver et les saisons. Chez nous? L'amplitude thermique, 80 degrés, paf. Ouais. Tac. Ouais, ouais. Mais chez nous, c'est quand même quelque chose au mois de janvier, lorsque tu sors à l'extérieur et que les narines te collent. C'est ouais, même... c'est vrai, c'est particulier, hein. Ouais, ouais. Mais ça amène le rapprochement physique. Ouais. C'est ça l'intérêt. La chaleur humaine. Oui. Comme on dit. Oui, comme on dit. Si tu étais un membre corporel. Bah. Les seins. Pourquoi? J'aime bien. Les tiens ou celles des autres? Les miens, je les aime bien. Ok. Si tu étais un moment de la journée. Le matin? 6h30. Oh, on aurait pu se rencontrer à 6h30. Ah oui, mais j'étais pas encore levée. Parce okay. que je me suis couchée tard. Et... Tu crâlais dans le lit. Ouais. Okay. Si tu étais un autre individu. Qui je serais? Un autre individu. Ouais, bah, je sais pas, c'est une profession peut-être, quoi. Mais je préférerais être médecin ou chanteuse, par exemple. Parce que... Médecin chanteuse? Médecin chanteuse. Ok, oui. Médecin. Médecin. Pour, mais je sais pas, sauver. Pour être tranquille avec plein de trucs matériels qui me... Oui, puis je trouve ça bien de s'occuper des gens. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Le même? Chemin. Ah bah là, non. Puis clairement, je serais pas... Non, non, non. Qu'est-ce que tu modifierais? Mon emploi du temps, ma formation, mes questionnements... vis-à-vis de la sécurité, ouais, je changerais pas mal de choses. Est-ce que tu, éventuellement, dans les années qui viennent, tu vas essayer, si ça galère un peu, de trouver un boulot alimentaire ou tu veux te consacrer entièrement à la musique? Non, je ferai un boulot à côté. Alimentaire, c'est peut-être pas le bon terme, mais je donne des cours de piano, en fait. Okay, et ça, essayer de trouver quelque chose de différent de la scène, en fait, du monde du spectacle, du métier du spectacle. Le métier du spectacle est un métier où il faut voyager beaucoup pour une heure et demie, dans le meilleur des cas, ou des fois juste une demi-heure. Et il y a côté ballotage aussi. Donc, il fait beaucoup de voyages et enfin on s'emmerde aussi un peu dans les trains. Et c'est ça un peu. C'est un sens un peu curieux, mais tu donnes du plaisir aux gens aussi. Et puis bah, c'est pour ça. Toi que tu fais, il y a une saveur particulière à faire tout ça, bien sûr. As-tu des projets dans le futur? As-tu quelque chose qui s'en vient et que tu peaufines et le prochain album? Ouais, je suis en train de préparer mon EP là. Ok. Du piano-voix et c'est trop bien. Et il va sortir en septembre. Ok, ah, il est déjà préparé. Ouais, mixé? C'est ça. Oh, donc, ça, merci. Mixé? Il est mixé. Il n'y a pas de disque dedans? Non, non, c'est de la feuille. Là, je les reçois le 12 juillet. Ah. Je reçois le 12 et... Est-ce que tu me le laisses? Non. Je vais en avoir besoin parce que j'ai envie de le montrer à tout le monde. Okay. Mais par contre, je pourrais t'en envoyer un, okay. Si tu veux. Oui. Si tu me donnes ton adresse et tout. Je vais t'envoyer ça sur Facebook. Ouais. Parfait. Parce que je t'enverrai... Une adresse physique? Oui, je peux l'envoyer en physique ou parfait. En numérique. Physique. Ouais, c'est plus sympa. Hein. Bah, numérique, MP3? Ouais. 320? Ouais. Oh, ouais. Bah, je vais t'envoyer en physique parce que c'est important de se rencontrer et tout. Moi, je veux vraiment. Physique? Ouais. Signature? Et tout. Ouais. Okay. Oh. Alors, ben écoute, on va pouvoir écouter tout ça demain, mm-hmm. en direct. Ça sera diffusé sur CKRL. Ah ouais? Ben oui, ben je fais pas ça pour rien. Ah ouais, t'es ben en oui. direct et ah, tout. T'as pas vu les photos? Non, non, j'ai pas eu le temps. Mais on est amis Facebook. Mais oui, mais non, mais il faut aller voir. Parce mais que... ça suffit pas. Oui, mais il y a tellement de choses en 8 jours, là, c'est. Excellent. Explosif. Donc, mini-concert qui sera diffusé à la rentrée automne-hiver, à la période automne-hiver 2016-2017. Ah là là, mais tu te rends pas compte comme ça me rend heureuse, ouais. Écoute, on se retrouve demain avec un petit clavier et on va faire partager aux gens le live que tu peux donner, la sensation, le groove. Ouais. Et ben écoute, on se retrouve excellent dans quelques heures. C'est génial. Ben, merci, Lise. Merci. À la prochaine. À demain. Bye. Dans tout ça, il en reste une, dans ce fatras, une opportune. Quand toutes les autres sont closes, à elle seule cette chose nous mène encore vers le possible. Quand toutes les autres inaccessibles, quand toutes les autres trop communes, cette chose-là, il en reste une. Parmi toutes celles qui a perpète muré depuis bien belle urette, la seule chose qui un instant reste sensible au petit vent à suivre même si rien n'est sûr, petit filon qui d'aventure serait le lien, serait ouverte la chose qui peut ou qui peut-être. Un trois fois rien, mais dans ce noir, cette lueur floue est pour ce soir la chose comme une allumette en étincelle qui s'apprête sur son nylon qui là se lance. Nous méditons infime chance en conducteur inattendu, en fil d'Ariane si ténue. Petit filon, dernière chose, la sauve qui peut, celle qui ose, cette chose-là, promesse tenue, quand toutes les autres ont déçu, à oser tout et contre tout, à tenter le, ôte-moi d'un doute, isolée là, mais pas perdue, elle est bien là. La seule issue. Errance Rénaldienne sur CKRL-NF, le 89 Hall à Québec, avec Rénald Gagné. Oh, Mr. Benjamin. banjo sur le Mississippi. Oh, Mr. Banjo, le bateau est parti. Tout le monde rit, tout le monde est gai. Pour les faire danser, tu vas leur jouer. Oh, oh, Mr. Banjo, ton rythme le plus chaud. Oh, oh, Mr. Banjo, sur le Mississippi. Oh, oh, Mr. Banjo, le bateau est parti. Tout le monde rit, tout le monde est gai. Pour les faire danser, tu vas leur jouer. Oh, oh, Mr. Banjo, ton rythme le plus chaud. Tu es un vieux malin. Oh, Mr. Banjo, tu connais tout très bien. Si tu joues pour Bill, si tu joues pour Joe, c'est parce que tu sais qu'ils vont faire danser. Oh, oh, Mr. Banjo, les filles à marier. Oh, oh, Mr. Banjo. Oh, oh, Mr. Banjo. Si tu joues pour Bill, si tu joues pour Joe, c'est parce que tu sais qu'ils vont faire danser. Oh, oh, Mr. Banjo, les filles à marier. Banjo, regarde-t-on ce soir. Oh, Mr. Banjo, regarde ton pouvoir. Si tu t'arrêtais soudain de jouer, je peux t'affirmer que l'on entendrait. Oh, oh, Mr. Banjo, que le bruit des baisers. Oh, oh, Mr. Banjo. Oh, oh, Mr. Banjo. Si tu t'arrêtais soudain de jouer, je peux t'affirmer que l'on entendrait. Oh, oh, Mr. Banjo, que le bruit des baisers. Oh, Mr. Banjo, le bateau va gaiement. Oh, Mr. Banjo, à la New Orleans. Et lorsque la fête sera finie, parce que le soleil chassera la nuit. Oh, oh, Mr. Banjo, tira dans ton étui. Oh, oh, Mr. Banjo. Attaque, une entaille au talon, un pas, une... sa promesse de vie. Le mystère profond, ce sont les eaux de Mars dans ton cœur tout au fond. Spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui à chaque semaine place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. Chers amis, si... Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.